Section 27. Chapitre 27. Lorsque Charlotte eut reconduit le docteur Kerfous, elle revint dans la chambre de son père. « Tu as interrogé Kerfous ? » demanda M. de la Héraudière. « Je lui ai demandé ce qu'il pensait de ton rhume. »« Il t'a répondu que mon rhume était une pleurésie. »« C'est-à-dire, tu devais bien te douter que j'avais autre chose qu'un simple rhume. On ne saigne pas les gens pour le rhume, et la cuvette de sang qu'on vient d'emporter a dû t'inquiéter. » « Maintenant, sais-tu ce que c'est qu'une pleurésie ?»« Non, mais sans savoir précisément ce qu'est cette maladie, il me semble qu'il est mauvais pour toi de parler. Vois comme tu respires difficilement, tu tousses. »« Parler n'augmente pas mon mal. La douleur immédiate n'est rien. Nous avons des choses importantes à dire et qui doivent être dites. Mais avant tout, je te prie d'aller dans mon cabinet prendre le volume du dictionnaire de médecine qui traite de la pleurésie. Tu le trouveras dans le casier médecine, à la lettre P du dictionnaire. » Charlotte, croyant que son père voulait lire cet article, alla chercher dans le cabinet le volume qui le contenait, mais ce n'était point pour en prendre lui-même connaissance que M. de la Héraudière l'avait demandé. « Lis l'article, » dit-il, quand Charlotte revint avec le volume. Elle ouvrit le volume, et ayant cherché, elle commença « Pleurésie, phlegmasie de la plèvre. » Mais son père l'interrompit. « Il n'est pas nécessaire que tu lises haut, » dit-il. « C'est pour toi, non pour moi, que je désire cette lecture. » Si cela ne t'ennuie pas trop, lis donc attentivement tout l'article. Nous causerons après. » Sans deviner où son père voulait en venir, elle fit ce qui lui était demandé. « Tu vois que la pleurésie est une maladie sérieuse, » dit M. de la Héraudière lorsqu'elle ferma le volume. « On dit que quand l'inflammation est limitée, elle peut se terminer favorablement dans l'espace de 4 ou 5 jours. » « Oui, mais on dit aussi que lorsque l'inflammation occupe une certaine étendue, l'épanchement se prononce. » Et alors le caractère de la maladie change. Or, l'épanchement a commencé chez moi. Kerfous a dû te le dire. » Elle resta les yeux grands ouverts, regardant son père avec étonnement. « Ce n'est pas pour te tirer des réponses propres à satisfaire une curiosité inquiète que je t'interroge, » dit-il. « Je connais mon état, et ce que je veux, c'est que tu le connaisses aussi bien que moi. Parce que Kerfous t'a dit, et parce que tu viens de lire, tu dois comprendre que cet état est grave. Je peux guérir. Je peux au contraire ne pas guérir. Il faut dire qu'à mon âge et à la façon dont je suis pris, il y a bien des chances pour que ce soit ce dernier cas qui se réalise. « Ah, père !» s'écria-t-elle en lui prenant les mains. « Mon enfant, pourquoi se faire des illusions? S'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder la réalité en face et qui ont besoin de se tromper eux-mêmes, je ne suis point de cela. Assurément, l'idée de la mort n'a rien de plaisant. Et pour moi, j'avoue qu'elle m'épouvante. Comment en serait-il autrement, avec la tendresse d'une fille telle que toi, avec le travail, mon existence, dans cette maison, au milieu de ces livres que j'ai amassés et de ces arbres que j'ai plantés, n'était-elle pas la plus heureuse qu'un honnête homme puisse souhaiter ? Il parlait difficilement, car il était obligé de faire des efforts douloureux pour respirer, et ses paroles n'arrivaient que lentement, coupées çà et là par des silences. En prononçant ces derniers mots, il s'arrêta plus longtemps encore, l'émotion ayant étranglé la voix dans sa gorge. « Je t'en supplie !» s'écria Charlotte. « Ne parle pas ainsi, père, je t'en prie !» Il la serra dans ses bras, et l'ayant longuement embrassée, il la fit asseoir près de lui, gardant une de ses mains dans les siennes. « Comprends donc, reprit-il, que si je parle ainsi, ce n'est ni pour m'attendrir, ni pour chercher à t'émouvoir, mais simplement parce que j'y suis obligé. Je t'ai dit qu'heureux comme je l'étais, l'idée de la mort m'épouvantait. Mais j'ai une raison autrement puissante que celle-là pour ne penser à une fin prochaine qu'avec des affres terribles. Je vais te laisser seule. » Elle le regarda désespérément, et les larmes qui emplissaient ses yeux et qu'elle retenait avec effort s'échappèrent et roulèrent sur ses joues. « Sens-tu, continua-t-il, combien il faut que mon angoisse soit grande pour que je t'impose une pareille souffrance. Ah, combien je me repens de l'imprudence que j'ai eue la sottise de commettre. Sans elle, j'aurais pu prendre mon temps, et je ne serais point obligée de te faire violence alors que tu es à peine convalescente et que tu aurais besoin de tant de calme. » Au regard qu'elle attacha sur lui, il vit qu'elle ne comprenait pas ses paroles incohérentes. « Tu crois que la fièvre me donne déjà le délire ? Hélas, non, j'ai ma pleine raison. Je sais ce que je dis. Je sens, oui, je sens cruellement ce que je pense. » « Pour te bien expliquer ce que j'ai à te dire, il faudrait des habiletés et des ménagements que je suis incapable de trouver en ce moment. Aussi, au risque de te causer de la peine, faut-il que je laisse échapper mes paroles comme elles me viennent. Le temps, les habiletés, les ménagements que je voulais, c'était pour te préparer au mariage que je désire pour toi. Me marier, moi ? Je redoutais cette explosion, et sans la maladie qui me mesure les heures, je n'aurais pas pu me résigner à prononcer ainsi ce mot. Maintenant qu'il est dit, tu dois comprendre mes réticences, et tu vois que je n'ai pas le délire. C'est la raison qui parle par ma bouche, la cruelle raison. Ah, bien cruelle, en effet. Oui, ma pauvre fille, je le sais, je le sens, mais si tu veux te mettre pour un moment dans ma position, tu sentiras aussi que je devais parler. Dans quelques jours, je puis être emportée, et je te laisse seule. As-tu des parents, des amis autour de toi ? As-tu un cœur dans lequel tu puisses te réfugier et sur lequel tu puisses t'appuyer ? Je n'en vois point. Tu es seule, tout à fait seule à 20 ans. Terrible situation, qui peut ne pas t'épouvanter, toi qui ne connais ni la vie ni le monde, mais qui m'inspire une poignante angoisse, moi ton père, moi vieillard. Sans doute, tu ne restes pas dans la misère. C'est beaucoup, j'en conviens, mais ce n'est pas tout. La misère qu'on affronte d'un cœur vaillant et confiant est moins lourde que la vie aisée qu'on ne supporte qu'à regret, avec un cœur endolori et défaillant. Et ce cœur endolori, c'est le tien. Charlotte étendit sa main libre pour demander à son père de ne pas toucher ce sujet, mais il ne se laissa pas arrêter par cette muette prière. « Non, dit-il, il faut aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, je t'ai fait envisager mon état maladif d'un œil clair, sans vouloir que rien demeurât caché. Il faut maintenant que nous envisagions le tien de la même façon. Je dis que tu vas rester seule, n'ayant pour te soutenir qu'un cœur endolori, incapable de volonté et de résolution saine. Je ne veux point rappeler le passé et t'imposer, par des paroles imprudentes, une douleur inutile. Mais il me faut bien constater cependant que... Père, il faut constater que... Ta maladie, c'est seulement de ta maladie que je veux parler. Ta maladie te laisse bien faible, brisée, sans force physique, et ce qui est plus grave, sans énergie morale. Si je succombe à cette pleurésie, un autre coup va te frapper. Douloureux celui-là aussi, je le sais, car lorsqu'on aime son père comme tu m'aimes, il est affreux de le perdre. Il se brise alors en nous des liens dont la rupture nous laisse chancelants, comme si nous avions perdu notre point d'appui, notre équilibre dans la vie. Tu vas donc avoir deux douleurs à porter. Comment les porteras-tu si tu es seule ? Il s'arrêta, interrompu par un accès de toux sèche, qui paraissait lui déchirer la poitrine, sa respiration était de plus en plus courte. « Tu vois, dit Charlotte, parler te fait mal. Nous reprendrons cet entretien plus tard, quand tu voudras. » « Non, tout de suite, il faut en finir. Je te demande un moment de repos, seulement pour respirer. » Bientôt, il reprit. « La douleur est orgueilleuse, mon enfant. Lorsque nous souffrons profondément, nous nous enfonçons dans notre douleur et nous mettons une sorte de fierté à ne pas nous laisser consoler. » Je ne veux pas mourir en pensant qu'il en serait ainsi pour toi et que ta vie se traînerait misérablement desséchée. Je ne suis pas de ceux qui se consolent de mourir en se disant qu'ils retrouveront ceux qu'ils aiment dans un monde meilleur. Je ne m'occupe pas de ce que je trouverai. Je m'occupe de ce que je laisse, et c'est toi que je laisse seule et malheureuse. Depuis que j'ai commencé à vieillir, j'ai plus d'une fois pensé à la mort, et voici celle que je me souhaitais. Tu étais mariée, tu étais heureuse, et quand je te faisais mes adieux, je me voyais revivre en toi, et je te voyais revivre dans tes enfants. L'éternité pour nous. Ce bonheur ne me sera pas donné, probablement, mais si je ne peux pas voir ce beau rêve accompli dans son entier, je peux au moins voir sa réalisation commencer. Je ne puis pas croire que tu me refuseras cette suprême satisfaction. Disant cela, il attacha ses yeux sur ceux de sa fille, et il y avait dans son regard tant de supplications et tant d'angoisses que Charlotte frissonna. « Tu comprends, n'est-ce pas » dit-il en continuant, « combien les dernières journées qui me restent à vivre peuvent être différentes pour moi. Tu consens et mes dernières heures sont tranquilles. Tu refuses, elles sont tourmentées, pleines de la fièvre, de l'inquiétude. « Ah, père » s'écria-t-elle en se mettant à genoux devant lui et en lui prenant les deux mains. « Je consens. Tout ce que tu voudras, je le veux. » « Non, mon enfant, Ton consentement ainsi surpris, ainsi arraché, ne me donnerait pas la tranquillité que je demande. Je ne t'impose pas un mari, je te prie d'accepter celui que je crois digne d'assurer ton bonheur. Il n'y a pas urgence à ce que tu me répondes immédiatement, car cette maladie, je l'espère, ne va pas m'enlever du jour au lendemain. Nous avons du temps devant nous, quelques jours au moins. Tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Et si tu veux, si tu peux m'adoucir mes derniers moments, tu m'apporteras ton consentement quand Caron t'avertira que l'heure fatale a sonné. Si au contraire la guérison s'annonce comme certaine, tu ne me diras rien. J'aurai tout le temps alors de reprendre mon premier projet et de t'amener lentement à partager mes sentiments pour Narbanton. Monsieur Narbanton ? Oui, Narbanton, qui t'aime et qui m'a demandé ta main. Est-ce que s'il ne t'avait pas aimé, il serait resté près de nous pendant ta maladie ? Est-ce que, s'il ne t'avait pas aimé, il aurait eu la pensée délicate et touchante de s'occuper à ta place des enfants de Barbe ? Cette idée ne pouvait venir qu'à un amant. Je ne sais comment tu juges, Narbanton, mais je tiens à te dire que pour moi, c'est le plus honnête homme que je connaisse. C'est une âme droite et haute, et je trouve en lui toutes les qualités d'un noble cœur. Je sais que les jeunes filles ne se décident pas dans leurs sentiments par les mêmes raisons que les pères. Cependant, j'ai tenu à te dire ce que je pensais de Narbanton. Maintenant, encore un mot. Ce matin, Narbanton m'a demandé à me veiller dans cette maladie. J'ai accepté ses soins, car tu n'es pas assez forte pour que je t'accepte comme ma seule garde-malade. Il passera les nuits près de moi, et toi, tu passeras les jours secondés par Barbe. Cet arrangement te gêne-t-il ? Qu'il soit fait en cela, comme en tout, selon ton désir. N'étant pas la réponse au-delà de la demande, en ce moment, il s'agit d'accepter les soins de Narbanton. Tu me dis que tu ne les refuses pas. C'est bien. Pour le reste, tu me répondras plus tard. Nous avons le temps, sans doute. Maintenant que j'ai dit ce qui m'oppressait, je me reposerai volontiers. Je suis à bout de force. Fin de la section 27.